Les officiels du département d'État. En 1990 et 1991, le Conseil indépendant reçut de nouvelles preuves écrites sous la forme de notes rédigées à la main qui suggéraient que le témoignage du ministre Schulz devant le Congrès donnait une image trompeuse et incorrecte de sa connaissance des ventes d'armes à l'Iran. L'enquête qui suivit se concentra sur le fait de savoir si Schulz ou d'autres officiels du département d'État avaient délibérément trompé ou caché des informations aux enquêteurs du Congrès et de l'OIC. Ces notes capitales prises par M. Charles Hill, l'assistant exécutif de Schulz, étaient des comptes rendus quasiment mot à mot des réunions de Schulz au sein du département, ainsi que des rapports qu'il avait faits à Hill des réunions auxquelles il avait assisté à l'extérieur. Les notes d'Hill, ainsi que des notes détaillées de façon similaire par Nicolas Platt, le secrétaire de direction du département d'État, procura à l'OIC un compte-rendu détaillé de l'étendue de la connaissance de Schulz sur les ventes d'armes à l'Iran. La note la plus révélatrice ne fut fournie par aucune enquête sur l'Iran et la Contra avant 1990 et 1991. Ces notes montrent que, contrairement au témoignage selon lequel il n'était pas au courant des détails des transferts d'armes de 1985, Schulz savait que ces livraisons étaient prévues et qu'elles furent bien délivrées. De la même manière, l'on prouva que Schulz était au courant des livraisons de 1986. Le Conseil indépendant en vint à la conclusion que le premier témoignage de Schulz était incorrect, sinon faux, en bien des aspects significatifs, et trompeur, sinon littéralement faux, en d'autres. Lorsqu'il fut interrogé en 1992 sur ces différences, Schulz ne remit pas en question l'exactitude des notes prises par Hill. Il affirma à l'OIC qu'à l'époque, il croyait que son témoignage était exact, et il insista sur le fait que s'il avait eu les notes plus tôt en sa possession, son témoignage aurait été différent. Le Conseil indépendant cessa les poursuites car il subsistait un doute raisonnable quant à savoir si le témoignage de Schulz était intentionnellement faux à l'époque où il fut délivré. Le ministre Weinberger et les officiels du département d'État. Contrairement à ce qu'ils avaient affirmé devant la commission Tower, nommée par le gouvernement, et devant le Select Iran-Contra Committees of Congress, le Conseil indépendant établit que le ministre Weinberger et ses conseillers les plus proches étaient bien au courant des cargaisons d'armes envisagées ou réelles faites à l'Iran en 1985 et 1986. La preuve majeure consistait en des notes écrites à la main par Weinberger, notes qu'il dissimula intentionnellement au Congrès et à l'OIC, jusqu'à ce que le Conseil indépendant les découvre à la fin de 1991. Les notes quotidiennes du journal de Weinberger, ainsi que les notes d'importantes réunions à la Maison-Blanche et ailleurs, contenaient des informations de première importance datant de la même époque, qui permirent de résoudre nombre de questions laissées non résolues lors des premières enquêtes. Les notes démontrèrent que le premier témoignage de Weinberger, selon lequel il n'était que vaguement informé des ventes d'armes à l'Iran de 1985, était faux, et qu'il avait en fait des informations précises sur les ventes d'armes envisagées et sur leur livraison proprement dite. Ces notes révélèrent aussi que le général Colin Powell, conseiller militaire en chef de Weinberger, et Richard L. Armitage, sous-secrétaire à la Défense pour les Affaires internationales, avaient aussi une connaissance approfondie des cargaisons de 1985 provenant de stocks israéliens. Armitage et Powell avaient témoigné qu'ils n'avaient rien su des cargaisons de missiles Hawk de novembre 1985 avant 1986. Les notes de Weinberger fournirent des comptes rendus détaillés de réunions des hautes sphères de l'administration datant de 1986, au cours desquels l'on fit aux conseillers proches du président de faux comptes rendus sur la vente d'armes à l'Iran, dans le but de protéger le président et de les protéger des conséquences des cargaisons de 1985 provenant de stocks israéliens qui étaient probablement illégales. Les notes de Weinberger apportèrent des preuves capitales qui vinrent appuyer les accusations contre lui. Parjure et fausse déclaration au sujet de son témoignage concernant les ventes d'armes. Dénégation de l'existence de notes et dénégation de sa connaissance de la contribution de l'Arabie saoudite aux Contras, qui s'élevait à des millions de dollars. Le président Bush le gracia le 24 décembre 1992, moins de deux semaines avant son procès. On ne put pas vraiment prouver que le premier témoignage de Powell concernant les cargaisons de 1985 et les notes de Weinberger était intentionnellement faux. Powell coopéra aux diverses enquêtes sur l'Iran et la Contra, et quand sa mémoire fut rafraîchie par les notes de Weinberger, il admit volontiers leur exactitude. Le Conseil indépendant refusa les poursuites contre Armitage, car la documentation limitée de l'OIC portait sur le procès contre Weinberger, et car le témoignage contre Armitage, bien que solide, n'atteignit pas le statut de preuve hors de tout doute raisonnable. Les segments sur Reagan, Bush et Casey. L'Independent Counsel Act exige un rapport sur les personnes qui ont été mises en examen, ainsi que sur celles qui ne l'ont pas été. À cause du très grand nombre de personnes interrogées, les sections individuelles de ce rapport se limitent à celles pour lesquelles il y eut possibilité de mise en examen. Par ailleurs, il existe des sections séparées sur les présidents Reagan et Bush, car bien que les poursuites contre eux aient toujours été peu probables, ils furent des sujets d'enquête majeurs, et leurs activités eurent de l'importance pour les actions en justice intentées contre d'autres. Le directeur de la CIA, Casey, est un cas à part. Aucune enquête sérieuse sur Casey ne fut entreprise par l'OIC, car il fut hospitalisé pour une maladie mortelle avant que le Conseil indépendant ne soit nommé. Casey ne put jamais donner sa version des faits, et il fut incapable de répondre aux allégations de méfaits proférées par d'autres à son encontre, et plus particulièrement par North, dont la véracité est sérieusement mise en question. Autre fait d'égale importance, on ne put apporter de réponse aux questions fondamentales concernant les dispositions mentales de Casey et de l'impact, s'il existe, de sa maladie mortelle sur son comportement et ses intentions. Dans des circonstances normales, un procureur hésiterait à faire des observations sur la conduite d'un individu dont les activités et les actions ne furent pas soumises à une enquête rigoureuse, fait qui pourrait disculper cet individu. Néanmoins, après d'importantes délibérations, le Conseil indépendant en vint à la conclusion qu'il allait de l'intérêt public que ce rapport donne un compte-rendu de l'affaire Iran-Contra aussi complet et détaillé que possible. Ceci n'aurait tout simplement pas pu être fait sans un compte-rendu du rôle joué par Casey. Observations et conclusions. Ce rapport se termine sur les observations et les conclusions du Conseil indépendant. Il fait remarquer que les problèmes gouvernementaux soulevés par l'affaire Iran-Contra ne sont pas ceux d'opérations malhonnêtes, mais plutôt ceux des efforts de la branche exécutive pour échapper à la surveillance du Congrès. Comme le montre ce rapport, les différents rôles du ministre de la Justice, conseiller du président et agent le plus qualifié pour faire respecter la loi, Top Law Enforcement Officer, entre en conflit de façon irrémédiable dans le cas de crimes commis dans les hautes sphères de la branche exécutive. Le Conseil indépendant en vient à la conclusion que la seule surveillance du Congrès ne peut pas corriger les défaillances engendrées par l'abandon du ministre de la Justice de ses responsabilités, qui consistent à faire respecter la loi, et s'il entreprend à la place de protéger le président. Le Conseil indépendant demande au Congrès d'examiner le problème délicat que pose aux enquêtes et aux poursuites l'octroi par le Congrès d'immunité aux principaux responsables. Il reconnaît l'importante part de responsabilité du Congrès pour mener des enquêtes approfondies sur de telles affaires, mais le Congrès doit se rendre compte que l'octroi d'immunité aux principaux responsables dans des affaires aussi exposées que celles de l'Iran Gate peut quasiment anéantir toute chance de poursuite couronnée de succès. Le Conseil indépendant aborde aussi le problème qui consiste à appliquer le Classified Information Procedures Act, CIPA, à des affaires contenant des informations classées hautement confidentielles, comme c'est le cas pour nombre de poursuites concernant l'Iran et la Contra. Sous le coup de cette loi, le ministre de la Justice a décidé de ne pas limiter le pouvoir de décision concernant la déclassification d'informations nécessaires au procès, même dans le cas d'affaires où le Conseil indépendant avait été nommé à cause du conflit d'intérêts auquel faisait face le ministre de la Justice. Ce pouvoir de décision est en contradiction avec le besoin d'avoir recours à un Conseil indépendant, particulièrement dans les affaires où des agents des services de renseignement qui classifient les informations font l'objet d'une enquête. Ce pouvoir de décision donne au ministre de la Justice le pouvoir de faire obstruction à toute poursuite ou presque pouvant éventuellement être embarrassante et nécessitant de déclassifier des informations. Le Conseil indépendant propose que le ministre de la Justice mette en place des critères qui permettraient d'examiner de manière indépendante toute décision de bloquer les poursuites contre un agent au sein de la branche exécutive, et qui légitimerait la surveillance du Congrès.